Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je vous salue encore une fois de plus ce soir. Namisalimu mara tena mangaribi ya leo. Dans le glorieux nom. Mujina ya damani. De notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ya mokozi wetu na Bwana Yesu Kristo. Je vous transmets les salutations. Namiletea masalamu. De notre frère bien-aimé Jacques Baïjire. Ya nduku wetu mupendwa Jacques Baïjire. Qui est un serviteur de Dieu là-bas à Goma. Mwenye kwa mutumishi wa Mungu kule ku Goma. Dans l'assemblée qu'on appelle Temka. Mukanisa ile wanaita Temka. L'assemblée de Goma. Je vous transmets aussi les salutations de frère James. Namiletea tena masalamu ya nduku James. James Musonda. James Musonda. Qui est aussi pasteur en Zambie. Naye ni pastori kule ku Zambia. Dans la ville de Kitwe. Mumuji ya Kitwe. Et aussi les salutations de frère Kaniki John. Tena na masalimu ya nduku Kaniki John. Qui est aussi un pasteur dans l'une des villes de la Zambie. Naye ni pastori mumuji moya mule Muzambia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Nous allons ouvrir nos Bibles là où nous sommes en train de lire. Tutafungula ma Biblia yetu pale tunasoma. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, Mwa Thessalonika wa kwanza sura ya ine, verset 13. Mstari ya 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Tupende wanduku mukose kujua kuhusu wale wanesha kufa. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'abord. Après la parole du Seigneur. Tazameni basi ile tunamitangazia kufuatana na neno la Bwana. Nous le vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Sisi wazima wana watabakia kuhusu kurudi kwa Bwana. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Atutatangulia bali bali kufa. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Kwani Bwana yeye mwenyewe kwa alama fulani. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Kwa sauti ya malaika mkubwa na kwa sauti ya parapanda ya Mungu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Atashuka toka mbingu na wafu katika Kristo watafufuka kwanza kwanza. Ensuite nous les vivants qui serons restés. Na kisha sisi wazima wale tutabakia. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Tutanyanyuliwa pamoja nabo pa mawingu. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Kukutanishana na Bwana pa hewa. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Hivi tutakuwa wakati yote na Bwana. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mufarijiane bamoja kwa bengine kupitia maneno haya. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Wa Thessalonika wa pili sura ya pili. Verset 13 à 15. Mstari ya 13 na 15. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur. Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Bwana Mungu wetu. Nous venons encore une fois de plus auprès de toi. Tunakuja mara tena mbele yako. Sous le sang de l'agneau. Chini ya damu mwana kondoo. De notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ya mokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Ce sang qui coula à la croix. Ile damu ilimwangika kumsalaba. Pour que nous puissions obtenir le pardon de Ili nos péchés. Tupate usamaha zambi zetu. Nous te disons merci pour Golgotha. Tunasema asante juu ya Golgotha. Merci pour toutes les promesses. Asante juu ya malako yote. À toi l'honneur, à toi la gloire. Wako heshima na utukufu. Merci pour le salut. Asante. Merci pour le don de la vie éternelle. Merci pour le ministère que tu as suscité au milieu de nous. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé ce soir. Sois loué, sois glorifié. Guéris les malades. Donne la solution à ce qui est des problèmes. Libère le captif. Délivre le possédé. Donne la solution à ce qui est des problèmes. Sauve les pécheurs. Baptise du Saint-Esprit. Sois avec nous. Et que l'œuvre du ténèbre soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Nous nous recommandons entre tes mains que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence en ce lieu. Alors nous avons ainsi prié par la foi. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de la rédemption, le nom du salut, le nom de la vie, le nom du roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? Nous sommes toujours en train de continuer le sujet que nous avions commencé. Parlant sur l'orientation divine à l'Église épouse. Pas l'orientation divine à une dénomination. Mais à l'Église épouse du Seigneur. Pour l'enlèvement. Parce que Dieu ne vient qu'auprès de son peuple. Nous avons vu hier comment l'Éternel avait dit à Élie de pouvoir quitter Bethel et d'arriver à Jéricho. Et là, à Jéricho, nous avons vu que c'était un lieu où la force de l'homme était limitée. Où la force de l'homme était épuisée. Où l'homme était devenu incapable. Il ne pouvait plus faire quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que le miracle était un grand obstacle pour eux. Et là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Amen. Dieu est notre force. Là où un enfant de Dieu se limite, c'est là où Dieu agit. Et dans Josué chapitre 5, nous avions lu cela. Au verset 5 de Josué. Joshua suratano. Au verset chapitre 5 verset 13. Suratano musare ya 13. Comme Josué était près de Jéricho. Avile Joshua alikuwa pembeni ya Jéricho. Il leva les yeux. Akamsha macho. Et regarda. Na kangalia. Voici un homme se tenait debout devant lui. Tazama mtu mmoja alisimama mbele yake. Son épée était nue dans la main. Na mpanga yake mikono. Il alla vers lui. Akamkaribia. Et il lui dit. Na akamwambia. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Eti uko wa ngambo yetu wala wa ngambo ya adui? Il répondit non. Na akajibu hapana. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Israël était dans le sentier du devoir. Alléluia. Amen. Ils étaient dans le sentier du devoir. Ils avaient l'ordre de Dieu. Ils avaient l'orientation de Dieu. Mais l'ennemi a voulu empêcher le peuple de Dieu de posséder le pays. De suivre suivre le programme de Dieu. Quand ils ont empêché le peuple de Dieu, le Dieu du ciel lui-même, il a intervenu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est dans le programme de Dieu, quelqu'un que Dieu a établi dans son œuvre, ne le combattez pas. Alléluia. Amen. Si vous les combattez, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Utakutana na Mungu munjia yako. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne fait pas, il n'agit pas de lui-même. Wani asitende kwa il est sous l'ordre divin. Eko chini ya agizo ya et Mungu. En faisant l'ordre divin, kufanya agizo le ya devoir Mungu, divin, mkazi ya tu Mungu, viens, tu le combats. Unakuwa kumukombanisha. Tu ne combats pas l'homme, mais tu combats Dieu. Alakini unakombanisha ni et Mungu. C'est Dieu que tu vas rencontrer. Na ule Mungu utakutana naye. Tu seras l'homme le plus malheureux. Utakuwa mtu wa ole. La personne la plus malheureuse qui n'ait jamais existé, qui sera semblable à Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Dieu agit. Mungu et quand Dieu agit, Mungu il n'y a aucun obstacle. Hakuna kizuizo hata kimoya. Alléluia. Amen. Avec le message que Dieu nous a envoyé na ujumbe Mungu pour nous préparer afin d'aller dans l'enlèvement, il n'y a aucun obstacle qui va empêcher les élus de Dieu de monter dans la gloire. Na kupanda mutukufu. Alléluia. Amen. Et il est dit, Manasema, il dit, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Adora et dit. Akabudu na kusema. Alléluia. Amen. Parce qu'un ange ne peut pas être adoré. Kwani malaika wezi kumwabudu. Alléluia. Amen. Un ange que le Seigneur envoie. Malaika ule Mungu anatuma. Gabriel. Mikaeli. Il ne peut pas se laisser être adoré. Achezi kuitika umwabudu. Ce n'est que l'Éternel qu'on adore. Nipaka wa milele njoo utaabudu. Et un véritable serviteur de Dieu aussi. Mutumishi wa Mungu wa kweli. Ne se laissera pas être adoré. Achezi kuliachilia ba mwabudu. Alléluia. Amen. Comme nous voyons aujourd'hui dans d'autres églises. Paka vile tukunaona leo makanisa mengine. On chante les noms du pasteur. Mulewe kuna imba jina pastori wabo. On chante les pasteurs du début à la fin. Beko na imba pastori mwanzo na mwisho. Même s'il parle du message, pas même du message, mais du soi-disant message, et il parle de William Branham, ils sont déjà une dénomination. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu véritable ne se laissera pas être adoré. L'adoration est réservée à Dieu lui-même. Donc le visage contre terre, Josué tomba le visage contre terre. Yeshua kanguka uso wake chini. Adora. Akabudu. Et dit. Na kusema. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ni nini le Bwana anasema na mtumishi wake. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Na mkubwa wa jeshi wa milele akamwambia Yeshua. Ote souliers de tes pieds. Ondosha viatu vyako kwa miguu. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Kwani pale pale unasimama. Est saint. Et Josué fit ainsi. Na Yeshua kafanya vile. Alléluia. Amen. Là c'était à Jéricho. Ulikuwa ni kuyeriko. Moïse lui, Musa yeye, avait vu la colonne de feu. Ariona kanguzo et la voix était sortie. Na sauti ilitoka. Le lieu auquel tu te trouves. Fazi pale unapatikana. Était lieu saint. Ni fazi takatifu. Mais Josué n'a pas vu la colonne de feu. Yeshua yashikone nguzo. Il a vu une personne. Aliona mutu. Et il a dit. Na alisema. Le lieu auquel tu te trouves. Pa fazi pale unapatikana. Était lieu saint. Ni fazi takatifu. Ote te soulier de tes pieds. Ondosha viatu vyako. Et Josué enleva le soulier. Na Yeshua mkutosha viatu. De ce lieu-là. Alléluia. Amen. En réalité, ce lieu-là n'était pas saint. Katika ukweli, ile fazi ya ukweta katifu. Alléluia. Amen. C'était un lieu comme tous les autres lieux. Ilikuwa fazi sawa mafazi yote. Mais lorsque le Dieu saint. Alakini wakati Mungu mtakatifu. Arrive dans un lieu. Anafika pa fazi. Celui-là devient saint. Ile fazi inakuwa takatifu. Alléluia. Amen. Même le croyant. Hata mwaminifu. Quand Paul écrivait, il n'écrivait pas, il ne disait pas aux saints qui sont morts. Asikusema kwamba watakatifu benye kufa pana. Aux saints qui sont à Ephèse. Alikuwa anaandikia watakatifu benye kwako wa Efeso. Pour les catholiques. Et les autres dénominations, ingine, on devient saint après la mort. Mpaka kama unakufa. La mort ne change rien. Kufa kuwezi kubadilisha kitu. C'est juste un changement de dimension. Ni kubadilisha tu pahali ulikala. Alléluia. Amen. ta nature que tu avais avant de mourir. Asili yako ulikuwa na mbele ya kufa. Ce sera la même nature après ta mort. Jo asili mwa mwa nayo utakuwa na kisha kufa. On ne devient pas saint après la mort. Hawakuwa ki mtakatifu kisha kufa. Mais on devient saint étant vivant. Lakini utakuwa mtakatifu hata ukumzima. Lorsque le Saint-Esprit, wakati Roho Mtakatifu, qui est un esprit saint, yenye kwa Roho Mtakatifu, habite en toi, tu deviens saint. Na wewe unakuwa mtakatifu. Alléluia. Amen. Il dit ce lieu est saint. Anasema hifadhi kutakatifu. Enlève le soulier. Ondosha viatu. Et Josué enleva le soulier. Na Yoshua aliondosha viatu. L'homme de Dieu William Branham. Mtumishi wa Mungu William Branham. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Chini ya ongozi ya Roho Mtakatifu. Il dit enlève le soulier. Anasema kuondosha viatu. Cela veut dire. Manake. Enlever la vieille nature. Ondosha asili ya zamani. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans la porte qui est Christ, wakati unaingilia mlango wenye kwa Kristo, que nous avons vu le mardi, ile tuliona msiku wa kazi, Jésus-Christ est saint. Yesu Kristo ni mtakatifu. Il est le saint de saints. Yuko mtakatifu wa watakatifu. Tu ne peux pas aller en lui. Hawezi kwenda ndani yake. Étant dans le souillure. Katika buchafu hapa. Tu dois enlever la vieille, tu dois enlever la vieille nature. Unapaswa ondosha asili ya zamani. Alléluia. Amen. La vieille nature du péché. Asili ya zamani ya zambi. Si nous lisons dans les écritures, tukisoma maandiko, prenons un peu ici. Tuchugue nukta moja. Dans Romains 13. Mwa Roma 13. Romains 13, partie verset 11. Mwa Roma 13:11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ini ya mafaka kabisa vile mnajua tu kwa wakati gani. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ni wakati wa kuamka toka busingizi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Kwani hapa sasa wokovu inakuwa karibu nasi kuliko wakati tuliamini. La nuit est avancée. Usiku inasonga. Le jour approche. Mchana inakaribia. Depuyons-nous donc des œuvres de ténèbres. Tuvule basi matendo ya giza. Alléluia. Amen. La vieille nature. Asili ya zamani. Là à Jéricho, ule ku Jéricho, l'ange du Seigneur, malaika wa Bwana, le chef de l'armée de l'Éternel, mkubwa wa jeshi, il dit ce lieu est un lieu saint. Alimwambia ifaz unekala iko takatifu. Ote les souliers de tes pieds. Ondocha viatu vyako ku miguu zako. Montrant que on ne peut pas avancer dans la présence de Dieu ayant la vieille nature du péché. Alléluia. Amen. Quand tu viens au Seigneur, tu crois à la parole, en allant vers la gloire, tu ne peux pas demeurer dans la vieille nature du monde. Alléluia. Amen. C'était ce qu'il est écrit ici. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre matendo ya giza et revêtons les armes de la lumière. Tuvale basi masila ya nuru. Alléluia. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour. Tutembe mchana kucha na uwaki. Loin des orgies. Mbali na uchafu. Et des livronieries. Na bulevi. Des luxures. Luxure, c'est l'immoralité. Na buzinifu. Alléluia. Amen. L'immoralité. Buchafu. Dans toutes ces sortes. Mwali yote ya buchafu. Dans toutes ces faces. Dépouillez-vous de toute immoralité. Mjivue na buchafu bote. De toute impureté. Ya buchafu de bote. Tout souillure. Buchafu bote. Et de la débauche. Na mjivue na buzinifu. Alléluia. Amen. De la débauche. Na buzinifu. Des querelles. Makokotano. Des jalousies. Na buifu. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alakini mumuvae Bwana Yesu Kristo. Et n'ayez pas soin de la chair. Mushangaikie mwili. Pour en satisfaire le convoitise. Ya kufurahisha matama yake. Ici. Hapa. Quand il dit n'ayez pas soin de la chair, il s'agit de ne pas satisfaire la chair quand il vous conduit dans le péché. Alléluia. Amen. N'ayez pas soin de la chair. Dépouillez-vous. L'ange de Dieu a dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds. C'est un lieu saint. La présence de Dieu est saint. Alléluia. Amen. Tu dois te purifier. Unapashu jitakasa. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est du monde. Mjivua na yote ya mudunia. Et nous continuons la lecture. Tunaendelea na kusoma. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura 4. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est du monde. On a pas su kujivua na yote ya mudunia. 4 à partir du verset 20 à 24. Ine kuanzia msara makumi mbili na makumi na ine. Mais vous, Alakine mwe. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Aina muina muna mulijifunza Kristo. Si du moins vous l'avez entendu. Isipokuwa kama mulimsikia. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Na kama kufuatana na ukweli yenye kwa ndani ya Yesu. Alléluia. Amen. Si du moins kama tu, vous l'avez entendu. Kama kweli kweli mulimsikia. Et si na kama conformément à la vérité. Kufuatana na ukweli. Alléluia. Amen. Pas fausse doctrine. Apana mafundisho ya bongo. Pas credo. Apana mafundisho ya pas watu. Interprétation particulière. Apana matafsiri ya upekee. Mais conformément à la vérité. Lakini kuambatana na ukweli. Qui est en Jésus. Yenye kuwa ndani ya Yesu. C'est en lui que vous avez été instruits. Ni ndani yake mulijifunza. À vous dépouiller. Namna kujivua. Par rapport à votre vie passée. Kwa kuangalia maisha yenu ya zamani. Du vieil homme. Ya mtu wa zamani. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ula na jaribu na matamaa ya uongo. Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et arrive-t-il l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Vous dépouillez. Kujivula. Et là, Jéricho, nous avons vu, Tuliona. Pour se dépouiller, Dua kujivula. Pour que toutes ces convoitises tombent, Dua ele matama yote yanguke. Ces esprits impurs, Imaro chafu. De l'immoralité, Ya buzinifu. Il ne s'agit pas de l'homme, Aina mutu. Mais il s'agit de Dieu lui-même. Alakini ni Mungu yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Parce que c'était sous la conduite et l'ordre de Dieu que Jéricho était tombé. Le muraille s'était écroulé. Le peuple n'avait fait qu'obéir. Ils ont suivi l'orientation de Dieu. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs ont sonné de trompettes. Et Josué a dit, poussez des cris, vous peuples. Ils ont poussé les cris. Et Dieu a agi. Comme nous avions dit hier, le Seigneur a dit dans psaume, je revêtirai vos sacrificateurs du salut. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs sont les ministères que Dieu lui-même a ordonné, que Dieu lui-même a mandaté. Alléluia. Amen. Il nous a revêtis du salut qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de vérité. Quand ils apportent la parole, ne doutez pas, ne raisonne pas, crois et obéis à la parole, toutes ces immoralités vont tomber. Alléluia. Amen. Dieu va t'accorder la grâce pour te dépouiller de tout ce qui est du monde. Comme nous avons lu dans Romains, il dit ne prenez pas soin à la chair pour ne pas satisfaire les convoitises. Vous connaissez cette chair ici. Cette chair, c'est comme une femme prostituée. Alléluia. Amen. Une femme prostituée, c'est une femme exigeante. Alléluia. Amen. Elle ne demande pas des petites choses. Elle demande des grandes choses. Et l'homme auquel, avec qui elle vit, il sait que si je lui refusais cela, elle va m'abandonner. Et cette femme-là, prostituée, il va exiger à l'homme, j'ai besoin d'un téléphone, qui coûte $200. L'homme lui-même, il n'a pas ses 200. Mais il part, il vole. Il vole 200. Il achète le téléphone. Il donne à la femme. La prostituée prend ça. Elle se réjouit. Il dit, oh vraiment, ah, tu es mon chéri. Et après un temps, Nakisha Munda, il dit, j'ai vu anasema des habits, mavazi, un ensemble qui vient de l'Europe. Kanzu ya kutokea en tout cas, tu dois m'acheter cela. Unapashi kuniuzia yo. C'est à $300. Iko na $300. L'homme va, il vole. Mwanaume anaenda kuiba. Et il amène à la prostituée. Na anamletea ule mkaba. J'ai besoin de telle chose. Mina taji kitu fulani. L'homme vole. Ule mwanaume anaiba. Il ne fait que voler. Ule mpaka naiba. Pour satisfaire la prostituée. Dua kufurahisha ule mkaba. Et un jour, na siku moja, pendant qu'il vole, wakati ile kunaiba, on l'arrête. Bana mbamba, bana mkamata. Et son chef dit, na chef yake akasema, c'est toi qui a toujours volé ici. Wewe ndio unaibaka kila siku. Mais aujourd'hui tu es arrêté. Leo bana kubamba. Tu vas aller en prison. Et le monsieur dit, Je sais que comme tu m'as obligé de rembourser tout ce que j'ai volé, mina jua vile munani lazimisha nilurishe yote naliiba. Quelque part, fazi fulani, j'ai mis de bien là-bas. Miruweka ko bitu. On peut aller là-bas. Munaweza kwenda pale. Je peux vendre quelques biens. Naweza kuujisha bitu yangu. Pour restituer une partie. Ju nirudishe sehemu ya bile naliiba. Les policiers arrivent. Waskari wakakuja. On met des manottes derrière les mains. L'homme derrière les mains derrière. Wanamfunga umutu mikono. Et il est devant. Na mbele yake tu. Derrière lui les policiers. Mkongo yake kutakuwa askari. Direction Manenda wapi? Chez la prostituée. Kwa ule mwanamke mkaba. La prostituée dans la maison. Mkaba ye mnyumba. Quand elle voit seulement l'homme avec des manottes derrière. Wakati anaona tu le bwana wanamfunga kamba. Et les policiers. Na waskari. Et elle ne demande même pas à l'homme. Asta muuliza hata ule mwanamke. Elle demande aux policiers. Anauliza waskari police. Monsieur. Eh bwana. Où est-ce que vous venez? Munatokea wapi? Vous où est-ce que vous partez? Mukunenda wapi? Il dit non, ce monsieur nous a dit que c'est chez lui. Ou bwana anatuambia sema huko njoo kwake. Il dit non. Anasema hapana. Je n'ai jamais connu cet homme. Mimi siamjuaka huyu mtu. L'homme se dit vraiment toi tu ne me connais pas. Kweli kweli wewe unijue. Il dit papa c'est une folie. Baba, ni bazimu nakubamba ni nini? Est-ce qu'on se connaît avec? Eti tunajuana wewe na mimi. Il dit policier. Police. Regardez au salon ici. Tazameni msalon. Si il y a sa photo. Kama mko picha yake. Le policier dit non, il y en a pas. Police anasema kweli hamna picha. Il dit mais je dis la vérité. Ni kweli. Il dit c'est chez moi. Ni kwangu huku. Celle-ci c'est ma femme. Huyu ni mke wangu. Il dit papa, elle dit papa. Anasema wewe baba. C'est la folie. Ni bazimu nakubamba. Allez avec lui. Allez mwendeni naye. Je ne connais pas. Mimi simjue. Et l'homme devient tout triste. Na ule bwana atahuzunika. Il se dit j'ai laissé ma femme. Anasema mimi niacha tu bibi yangu na watoto yangu na njala. Sans nourriture. Bila chakula. J'ai gaspillé de l'argent. Napoteza fedha. À cause de cette prostituée. Wa voilà aujourd'hui. Sasa leo. On m'a arrêté à cause d'elle. Anibamba kwa ajili yake. Et elle m'a renié. Na yana nikana. Il va en prison. Atenda mukifungo. Avec des peines. Na ma uchungu. C'est comme ça avec cette chair. Jo vile pamoja na imwili. Alléluia. Amina. Cette chair te dira. Imwili takwambia. Mimi nahitaji kunywa. Allez prendre la bière. Wewe unitafutie pombe. Il t'envoie. Anakutuma. Tu pars, tu bois. Unaenda kutafuta pombe unakunywa. Il te montre une femme. Anakonesha mwanamke. Tu vois cette fille là. Unaona ule mwanamke. Suis-la. Wenda mutamani mutongoze. L'homme derrière la fille. Na ule bwana anaenda kutongoza. Tu vois cet homme là. Unaona ule mwanamke. Ne l'abandonne pas. Usimwache. Va là-bas. Wende kule. On voit cette femme là derrière cet homme. Unaona mwanamke ule. La chair te conduit à des choses horribles. Mwili takusukuma kubitu bibaya. Tu veux venir à l'église. Unapenda kwa kanisa. Il te dit je suis fatigué. Inakwambia mimi nachoka. J'ai beaucoup travaillé. Ninatumika sana. Je dois d'abord me reposer. Mimi napashi nipumzike. Alléluia. Amen. Il te conduit dans l'esprit. Et après ta mort. Na kisha kufa kwako. Le corps. Mwili. Il te dit au revoir. Inakwambia babae waye. La loi de Dieu a dit. Sheria ya Mungu ilisema. Je suis poussière. Niko mavumbi. Mimi nitarudia mu mavumbi. Maintenant toi l'homme intérieur. Sasa wewe tu wandani. Tu vas aller dans la prison. Utaenda mukifungo. Au séjour des morts. Mu makao ya mafu. Dans les peines. Mu mateso. Alléluia. Amen. Ce corps qui t'a envoyé t'essuyer de plusieurs manières, on va les nettoyer, on va acheter des habits, un très bon cercueil, on l'enterre avec de très bonnes conditions. Mais toi, dans la souffrance, il t'a induit en erreur, il t'a induit dans l'essuyer, et il t'abandonne à la fin. Tu seras là au séjour de mort, dans les peines et dans la prison. C'est ce que la Bible dit. Ne satisfait pas la chair. Ne crois pas ceux de la chair. Pour en satisfaire les convoitises, les fuites et les impuretés. Donne à la chair ce qui est important. Donne-lui les vêtements. Donne-lui la nourriture. Ce qui est nécessaire. Mais ce qui est contraire à la parole, dis à la chair non. Je ne te donne pas. Alléluia. Amen. Dépouillez-vous des œuvres du ténèbre. Mujivue na matendo ya giza. Ce n'est pas toi-même. Aina we mais la grâce de Dieu. Lakini nema ya en Mungu, toi. Ndani yako. Fera cela. Itakusaidia utafanya vile. Alléluia. Amen. C'est lui qui le fera. Oula taifanya. Comme nous avions lu. Paka vile dans Zacharie. Muzakaria. Il est dit. Wanasema. Le Seigneur, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison yo enjoy et les mains de Zorobabel achèveront. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celui qui suscite la foi imani, et il amène cela à la perfection. Na ipeleka ku kamilifu. Alléluia. Amen. Abandonne-toi au Seigneur. Na wewe uliachilie kwa Bwana. Sois conduit par la parole. Uongoziwe na neno. Obéis à la parole. Utii neno la Mungu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur na Bwana prendra le reste. Atabeba ile mabaki. Comme il est écrit dans Apocalypse. Baka vile imeandika mu chapitre 12, sura 12 verset 11. Sura 11. Ils l'ont vaincu. Wali mushinda. À cause du sang de l'agneau. Wa et de la parole de leur témoignage. Jésus-Christ est notre vainqueur. Il est notre victoire. C'est lui qui va nous délivrer. C'est lui qui libère. C'est lui qui affranchit. Comme il dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Alléluia. Amen. Tout va quitter. Le souillur du monde va quitter. Comme la Bible dit, un enfant de Dieu doit rechercher la sanctification de la chair, la sanctification de l'esprit et la sanctification de l'âme. Alléluia. Amen. Il est pur. Il est saint. Comme notre Seigneur lui-même est saint. Alléluia. Amen. Et il est dit, pour enfin d'entamer Dieu kwanza sasa. Dans Zacharie 4 toujours. Zacharie sura ine. Ici il est dit ceci. Basema hivi. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement. Kwani wale beula mwanjo ya zaifu. Se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Watafurahi wakati watajiona mikono ya Zorobabeli. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui méprisaient le jour de faible commencement. Bale bali beula siku ya mwanjo zaifu. Se réjouiront. Watafurahi. En voyant le niveau. Mkuona kimo. Vous savez le niveau c'est quoi? Munayo ya niveau ni nini? Et le faible commencement c'est quoi? Na mwanjo zaifu ni nini? Vous pouvez trouver un homme. Unaweza kukuta mtu. Un homme robuste. Mtu mshuja. Qui est en forme. Mwenye kuwa na nguvu. Qui est costaud. Mwenye kuwa na nguvu. Alléluia. Amen. Qui peut transporter des fûts ou transporter des engins pesants, lourds, et être admiré par les gens. Mais au commencement, à sa naissance, c'était pas un homme robuste. Alléluia. Amen. C'était un petit bébé. On le fait asseoir, il tombe. Il ne sait même pas dire bonjour. Il ne sait pas dire maman. Sa façon de s'exprimer, c'est simplement pleurer. Il ne sait même pas se tenir debout. Alléluia. Amen. Ça, c'est le faible commencement d'un homme. Alléluia. Amen. Et il ne restera pas toujours endormi. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que le jour avance, il va commencer à s'asseoir. Et après, il va se mettre debout. Et après, il va commencer à faire le 2-3 pas, il tombe. Et après un temps, il va commencer à apprendre à dire papa, maman. Il est dans le faible commencement. Et à un certain moment, fulani, il aura l'endurance. Alléluia. Amen. Il atteint la maturité. Atakomala. Il était dans le faible commencement. Mais il ne demeurera pas toujours bébé. Il a mchanga. Commencé à avancer, à grandir petit à petit. Jusqu'à atteindre la maturité. Et le Seigneur dit, vous qui méprisez le jour de faible commencement. Siku ya mwanzo zaifu. Chaque enfant de Dieu. Kila qui vient à Dieu a un faible commencement. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu, Dieu dans sa gloire, étant tellement humble, il permet que les choses puissent avoir le faible commencement. Alléluia. Amen. Mais alakini, l'enfant de Dieu ne demeurera pas toujours dans le faible commencement. Au fur et à mesure que le jour avance, zaidi masiku inasonga, il va commencer à grandir dans la foi. Atakomala katika imani. Alléluia. Amena. Paul pouvait dire, Paulo alisema, au commencement, mwanjo, il dit, le bien que je veux faire, bizuri bile mina penda kufanya, je n'arrive pas à le faire. Misiwezi kubifanya. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Mais cela ne demeurera pas le langage de Paul. À un certain moment, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Une femme au Branham Tabernacle pouvait dire, je ne suis pas ce que je ne veux être, mais ce que je sais, je ne suis plus non plus ce que j'étais. Quand le Seigneur t'appelle, tu ne demeures pas la même personne. Tu progresses dans la foi. Tu peux avoir le faible commencement. Mais le Seigneur dit, vous qui méprisez le jour de faible commencement, vous verrez les niveaux entre le maître de Zorobabel. Vous savez le niveau. C'est un instrument que les maçons utilisent. À l'intérieur, là, il y a une mercure bleue. Blanc. Lorsqu'ils sont en train de bâtir le mur, c'est ce niveau, qui leur permet à savoir que le mur est droit ou le mur est oblique. Quand ils construisent, ils bâtissent les murs, ils ont toujours le niveau. Jamais ils peuvent commencer jusqu'à achever sans niveau. Un véritable maçon utilisera toujours le niveau. Il met deux briques, il met le niveau. Si ce mercure-là est au milieu, il sait que le mirail est droit. Il continue. Si c'est oblique, il sait que le mirail n'est pas oblique, n'est pas droit. Et il frappe. Il frappe pour redresser les murs en fait que ça soit droit. Quand c'est redressé, il continue encore. Après un temps, il prend encore le niveau en train de construire. Alléluia. Amen. Et notre Zorobabel, c'est le Saint-Esprit. Et notre niveau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Notre niveau, c'est la parole de Dieu. Nous ne nous comparons pas à un homme. Nous nous comparons à la parole de Dieu. Quand tu viens au Seigneur, Dieu te compare à sa parole. Au fur et à mesure que tu viens, Dieu te compare à la parole. Si tu es oblique, un peu du monde, un peu de pays, tu frappes au travers de la parole pour te redresser. Alléluia. Amen. Et celui qui accepte la correction de Dieu progresse dans l'œuvre de Dieu. Mais celui qui est incrédule, Dieu ne prend pas plaisir à lui. Alléluia. Parce que Dieu est en train de bâtir avec le niveau qui est la parole de Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit se comparer à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a promis. Il est juste et fidèle. Il accomplira cela. Il va nous amener à la perfection. Alléluia. Amen. Comme cet aiglon. L'aiglon, il ne demeurera pas toujours dans la basse-cour. Alléluia. Amen. Il mangeait les cancres là. Mais un jour, sa maman est venue. Alléluia. Amen. Et sa maman a poussé le cri. Maman a les poussé au fui. La mère pour la fui. Maman. Mais le glon a reconnu le cri de la mère parce que il avait aussi un cri semblable à sa maman. La profondeur appelle la profondeur. Il ne pouvait pas fuir. Il dit, ce grand oiseau, ce grand maman a une voix semblable au mien. Et sa maman dit, mon fils, tu n'es pas un poussin. Tu es un aiglon, tu n'as pas été faite pour manger le concret là. Tu n'as pas été faite pour gratter la terre. Tu n'as pas été faite pour porter des collants, des mini-jupes, des pantalons. Tu n'as pas été faite pour vivre dans la prostitution. Tu n'as pas été faite pour vivre dans le vol, dans l'idolâtrie, dans la corruption. Tu as été faite pour planer dans les airs, en train de manger la viande fraîche. Tu as été faite, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, pour régner avec Christ. Ce n'est pas ta place, le monde n'est pas ta place, le souillon n'est pas ta place, le péché n'est pas ta place, les dénominations n'est pas ta place. Alléluia. Amen. Il dit, que faire, maman? Maman, t'as fait nini? La mère dit, maman, monte ici. Uruge, panda. Monte ici. Panda uku. Vole. Uruge. L'aigle ont dit, ta yanasema, depuis ma naissance, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais volé. Je ne sais pas comment voler. Je n'ai pas cette capacité. Et la maman dit, le tout est en toi. Crois seulement. Et obéis. Commence à battre les ailes. Et tu vas monter. L'aiglon a cru à ce que sa mère avait dit. Elle a commencé à battre les ailes. Il bat les ailes et une patte se lève. Il bat encore, l'autre patte se lève. Il bat encore, il commence à laisser la basse cour. L'impudicité quitte, le mensonge quitte, la prostitution quitte, l'hypocrisie quitte. Il bat, le monde quitte et il arrive vers sa mère. Alléluia. Amen. Libéré de dénomination, de basse-cour, de concrétat, de prostitution, de l'ivrognerie, de toutes ces choses-là. Un enfant de Dieu est libéré de la vie d'impureté. Alléluia. Amen. Et il est monté là-bas. La Bible dit, Jésus-Christ nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lisons les Écritures. Prenons Josué et deux rois. Deux rois, chapitre 2. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent à ça et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis entre deux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Batu makumitano katikati ya batoto manabii wakafika na kusimama mbele yabo. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Basi Elia akachugua nkoti yake na kuipika na maji ikapasuka vipande mbili na wakatambuka na kutambuka ngambo ya Yordano kukikavu. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, Elia kamwambia Elisha, demande ce que tu veux. Uombe kile unataka. Alléluia. Amen. Ça se suit la troisième étape. Ini kipande ya tatu. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho, wakati alifika ku Jericho, je dis, Mungu akasema, à Élie, na Elia, mon serviteur, mtumishi wangu, quitte Jéricho, toka Jericho, va au-delà du Jourdain. Wende ngambo ya Yordano. Elie dit, Elia akasema, merci Seigneur. Asante Bwana. J'obéis. Minati à ton ordre. Agizo yako. Il a pris le chemin. Aningia safari. Alléluia. Amen. Quand Dieu avance, wakati Mungu anasonga, tu dois avancer. Na ya nasonga naye. Ils ont marché. Bali tembea. Arrivé. Arakafika. Jusqu'au bord du Jourdain. Na pembeni ya Yordano. Il y avait les eaux du Jourdain. Kwa maji ya Yordano. De ce côté, il y avait les fils des prophètes. Kulikuwa batoto wa manabii. À Bethel, il y avait les fils de prophètes. À Jéricho, il y avait les fils de prophètes. Et de ce côté du Jourdain, il y avait les fils de prophètes. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas les fils de prophètes. Alléluia. Amen. Ils se sont limités de ce côté. Mais de l'autre côté, pas de fils de prophètes. Alléluia. Amen. Il a fallu un surnaturel. Que Dieu agisse. Mungu apate kutenda. Alléluia. Amen. Élie n'a pas pris les manteaux de lui-même. Élie a sikujua koti kwa yeye mwenyewe. Un homme véritable de Dieu. Mutu wa kweli wa Mungu. A toujours les instructions de la part du Seigneur. Anekalaka pana agizo ya kutokea kwa Mungu. Élie a pris son manteau. Élie alichukua koti yake. Il a frappé les eaux du Jourdain. Alipika pa maji ya Yordani. Et les eaux s'est divisées. Na maji ikagawanyika. S'est séparé en deux. Ikajitenga mipande mbili. L'un côté de ce côté-ci gambo moya, et l'autre partie des eaux de ce côté-là ingine, gambo ingine. Et ils ont traversé à sec bari tambuka pali pakavu selon l'ordre de Dieu ufatana na agizo ya Mungu. Alléluia. Amen. Ils ont traversé bari tambuka et sont partis de l'autre côté barende ile ngambo ingine ya Yordano. Et là il y avait pas de fils de prophète ile ngambo ingine akukwe batoto wa manabii. Élie savait, Élie alijua, maintenant sasa j'ai accompli minatimiza les exigences de Dieu ma pasho ya Mungu. Alléluia. Amen. À Bethel, il pouvait dire à Élisée, reste ici. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Arrivé à Jéricho, Élie dit, reste ici. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Il savait qu'il y a encore le voyage. Mais lorsqu'il a traversé le Jourdain, il savait que j'ai accompli les exigences de Dieu. J'ai obéi à Dieu, au commandement du Seigneur, à l'orientation de Dieu. Maintenant, je m'attends à Dieu pour que je sois enlevé. Dieu n'y pas te. Alléluia. Amen. Et si nous lisons Josué, pour voir ce qui s'est passé après la traversée du Jourdain, Josué chapitre 5. Joshua suratano. Vous pouvez lire chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Leo ntakunyanyula mbele ya macho ya Israël mzima. Chapitre 5, suratano. Verset 1er, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain, wakati bafalme bote ba Amoréa kule kwa asubuhi na ba ku Yordano bafalme bote ba Kananea pembeni ya bahari walipata habari ya kwamba wa milele alikausha maji ya Yordano mbele ya watoto wa Israeli kufika na kupita. Jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Kufika na pale tulipita, baripoteza odari, wakati ile, batoto wa Israeli, barinama. En ce temps-là, mwile wakati, l'Éternel dit à Josué, wamilela kamwambia Yoshua, fais-toi des couteaux de pierre, ulifanchie mawe anchongo, et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Utahiri mawe tena batoto wa Israeli. Josué fit des couteaux de pierre, Yoshua kafanya mabisu ya mawe, et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Na katahiri batoto wa Israeli pamulima ya Aralot. C'était des enfants nés dans le désert. Barikuwa ni batoto wale walizaliwa mujangwa. Ils étaient incirconcis. Barikuwa basipo kutahiriwa. Ceux qui sortirent de l'Égypte étaient circoncis. Mais ils mourirent en Égypte, plutôt dans le désert. Excepté Josué et Caleb. Et ceux qui furent nés dans le désert, ce sont eux que l'Éternel amena dans l'accomplissement. Ils étaient incirconcis. Et lorsqu'ils traversèrent le Jourdain, Dieu dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis chaque enfant d'Israël. Alléluia. Amen. C'était selon l'ordre de Dieu. Genèse chapitre 17. Mwanjo sura 17. Genèse 17. Mwanjo sura 17. Verset 7. Msare ya 7. J'établirai mon alliance entre toi et entre moi et toi. Taweka agano yangu katikati yako wewe na mimi. Et tes descendants après toi. Na uzao yako kisha wewe. Selon leur génération. Ufuatana na bizazi yako. Ce sera une alliance perpétuelle. Itakuwa agano ya lote. En vertu de laquelle. Ufuatana nayo. Je serai ton Dieu. Takuwa Mungu wako. Et celui de ta postérité après toi. Na Mungu wa uzao yako kisha wewe. Je te donnerai à tes descendants après toi. Tapatia na kwa uzao wako kisha wenye. Lisons verset 9. Mstari 9. Dieu dit à Abraham. Mungu akamwambia Abraham. Toi tu garderas mon alliance. Wewe utachunga agano yangu. Toi et tes descendants après toi. Wewe na uzao yako kisha wenye. Selon leur génération. Kufuatana na bizazi yabo. C'est ici mon alliance. Injo agano yangu. Que vous garderez entre moi et vous. Ile mutachunga katikati yangu mimi na wewe. Et ta postérité après toi. Na uzao yako kisha wenye. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Kila mwanaume katikati yenu at Alléluia. Amen. C'était l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. La circoncision. Et au verset 14. Un mâle incirconcis. Il n'aura pas été circoncis dans sa chair. Sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alléluia. Amen. L'alliance de Dieu. Israël s'est distingué de tous les autres peuples Israël du monde. Kwa chana na taifa yote tous les autres musique. Peuples yote. Étaient des incirconcis. Il n'y avait qu'Israël qui tout. Était circoncis. Alléluia. Amen. Tout mal était circoncis. Kile le signe de l'alliance entre eux et Dieu. Et Dieu avait dit na Mungu alisema, tout mal kila qui ne sera pas circoncis le huitième jour siku ya munane, il aura violé mon alliance. Atavunja il sera exterminé. Batamua. Alléluia. Amen. Et Dieu ne fait rien pour rien. Na Mungu afanya ke kitu. Lisons Romains. Tusome mu Roma. Chapitre 2. Roma sura 2. Romains chapitre 2. Warumi sura yake ya pili. Prenons le verset 29. Mstari 29. Mais le juif. Alakini Yuda. Ce n'est pas celui qui est intérieur. Extérieur. C'est plutôt. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Muyuda ni ule ko muyuda ndani. Et la circoncision. Na kutairiwa. C'est celle du cœur. Ni ya moyo. Selon l'esprit. Kufatana na roho. Et non selon la lettre. Apana kufatana na barua. La louange de ce juif. Sifa muyuda. Ne vient pas des hommes. Aitoke kwa watu. Mais de Dieu. Alakini natokea kwa Mais Mungu. Mais non Colossiens. Tuchugue wa Kolosai. Colossiens chapitre 2. Wa Kolosai sura 2. Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Alléluia. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Amen. Et là-bas. Lorsqu'ils traversaient le Jourdain, Josué circoncis chaque enfant d'Israël. Et la circoncision pour nous, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision de l'âme. Alléluia. Amen. En Israël, Israël, les femmes n'étaient pas circoncis, seulement bana. Les hommes. Mais dans le Seigneur, aujourd'hui, Léo, et les sœurs, et les hommes, les frères doivent être circoncis. Alléluia. Amen. La circoncision n'est plus simplement l'affaire des hommes. Afin que nous, la circoncision est l'affaire des hommes et l'affaire des femmes. Parce que ce n'est plus la circoncision de la chair, mais de l'âme. Et c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Ce sera la circoncision. C'est ce que Dieu a typifié. Avec Abraham. Alléluia. Amen. Il dit sans cela. Il sera écarté. Sans le baptême du Saint-Esprit. Tu es écarté de la promesse. Tu ne seras pas enlevé. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te baptise pas du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Kwa kwe ya utanyanyuliwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas enlever des assemblées. Les assemblées ne seront jamais enlevées. L'assemblée de Krefeld ne sera pas enlevée. Branham Tabernacle ne sera pas enlevée. L'assemblée de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, de Kolwezi, de Lubumbashi, de Kambo, de Likasi, aucune assemblée ne sera enlevée. Alléluia. Amen. Aucune assemblée. Dieu n'enlèvera pas l'assemblée. Mais Dieu enlèvera le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le corps spirituel. Ce corps-là qui a été constitué depuis l'âge de Phèse. Alléluia. Amen. Comment entrer dans ce corps? Lisons l'Écriture. 1 Corinthiens 12. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Amen. Comment entrer dans le corps de Christ? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce corps, comme je viens de le dire, constitué depuis l'âge de Phèse jusqu'à l'âge de la Odyssée, le frère Branham dit, nous vivons dans l'âge de coupe. L'âge de coup, l'âge à laquelle, l'âge qui relie la tête et le reste du corps. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, Christ Jésus est la tête du corps de l'Église. Et nous, l'épouse, nous sommes le corps. Parce que dans le naturel, la Bible dit, la femme c'est le corps, l'homme c'est la tête. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Dans une maison, la femme et le corps. Alléluia. Amen. Et la tête, c'est l'homme. Celui qui a l'autorité. Celui qui parle. Alléluia. Amen. Et ce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que le mari est la tête. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour lui. L'Église est le corps. Jésus est la tête. Le jour de l'enlèvement, ça sera la tête qui est Jésus-Christ qui va s'ajuster avec le corps. Et c'est le corps qui sera enlevé. Ici, c'est un lieu de préparation. Dieu a établi le ministère pour que vous soyez justifié, pour que tu sois sanctifié et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es membre de cette église et tu es aussi membre dans le corps de Christ. Lorsque l'enlèvement aura lieu, ce n'est que les frères et sœurs qui sont ici, qui sont dans le corps de Christ, qui seront enlevés. Mais les sœurs et les frères qui ne sont pas dans le corps de Christ, mais qui sont ici, ne seront pas enlevés. Alléluia. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Et dans Actes chapitre 5, il est écrit, Dieu donne son Saint-Esprit aux enfants obéissants. Ceux qui obéissent à sa parole, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont hypocrites ne recevront jamais le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Élie est arrivé au-delà du Jourdain. Alléluia. C'était la troisième phase. Le baptême du Saint-Esprit, tu dois la foi. En dehors du baptême du Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Amen. Tu dois recevoir cela par l'obéissance à la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes scellés parce que le Saint-Esprit, c'est le gage, le sard de l'Esprit, c'est l'Esprit de la promesse. Et pour l'esprit de la promesse, il faut la parole de la promesse. La parole de vérité pour l'esprit de la vérité. Un tonnériste n'ira jamais dans l'enlèvement parce qu'il ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est dans les fausses doctrines, dans les interprétations particulières. Un brame Dieu ne peut jamais aller dans l'enlèvement parce que le Saint-Esprit ne peut jamais confirmer les faussetés. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit signifie que Dieu a agréé ta foi. Alléluia. Dieu a agréé ta foi. Il faut la vérité en toi pour que l'esprit de vérité puisse entrer en toi. L'obéissance à la parole de vérité. Alléluia. En dehors de ça, il n'y a pas d'enlèvement. Et le frère Branham dit, parmi le mystère qui ont été révélés dans ce temps, il y a le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas simplement, j'ai été baptisé de Saint-Esprit, oh, je priais dans la chambre, je suis tombé, j'ai commencé à rouler à terre, je parlais en langue, je prophétisais, je vieillis de vision. C'est ce jour-là que Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Dieu est souverain. Il peut le donner avec sensation ou sans sensation. Donc tu es assis à la maison, au salon, en train de lire la Bible, il descend, il descend du Saint-Esprit, et il n'y a pas de sensation. Alléluia. Amen. Tu étais à l'église, en train de chanter, ou d'écouter la parole, il te baptise du Saint-Esprit, sans sensation. Il peut baptiser avec sensation, ou sans sensation. Mais la preuve qui montre que cette personne est baptisée du Saint-Esprit, il ne va pas nier la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nier sa parole. Il obéira à toute la parole. Et la vie de la parole sera manifestée. Il parle en langue, il prophétise, il voit des visions, il dit je l'ai baptisé du Saint-Esprit, mais il a une vie impure, une vie de prostitution, il est dans les fausses doctrines, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a de ces tonnéristes qui font des grands miracles. Alléluia. Il faut même des déclarations, avoir pris le relève. Il a pris le relève de Frère Branham. Il dit, je prie pour les malades. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent par mes prières. Mais il est en train de renier le programme de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit dans son baptême. Parce que Dieu ne peut pas nier sa parole. Alléluia. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu diras amen à toute la parole. Parce que le Seigneur dit, je vous prierai le Père et il vous enverra le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. L'enlèvement n'est pas pour les pentecôtistes. Parce qu'ils ont nié la vérité. Mais l'Église pousse. Alléluia. Amen. À la vérité. L'obéissance va t'amener dans le baptême du Saint-Esprit. Dieu va enlever le corps. Alléluia. Amen. Ici, c'est un lieu de préparation. Je ne dis pas la parole. Crois la parole. Obéis à la parole. Et jusqu'à ce que Dieu puisse agréer ta foi. Et il va te donner le Saint-Esprit. Il va te sceller. Comme la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Parce que si, lorsque Dieu te donne le baptême du Saint-Esprit, il ne s'agit pas au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme. Lorsqu'il te baptise du Saint-Esprit dans l'âme, il t'a agréé ta foi. Tu es scellé jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement est garanti pour toi. C'est ainsi que dans Ephésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le frère Branham avait prêché une prédication, l'agneau et la colombe. Et beaucoup ont mal compris ce que le frère Branham avait dit. Il a montré que la colombe se pose sur l'agneau. Et lorsque l'agneau, lorsque tu changes de nature, la colombe s'envole. Le Saint-Esprit s'envole. Il va se percher sur un arbre. Attendant que tu te répondes, tu mets ta vie en ordre. Tu puisses avoir encore la nature de l'agneau. Et la colombe revient. Alléluia. Amen. Le frère Branham voulait simplement montrer comment l'Esprit de Dieu n'aime pas le suivre. Mais quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut plus sortir. Ça reste là. Parce que la Bible dit, tu as été scellé jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. Raison pour laquelle il dit, ne l'attristez pas. Alléluia. Amen. Qu'il soit en toi, mais attristé. Non. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vivez la parole et marchez dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est très important. Sans le baptême du Saint-Esprit, bila ou baptise à Rome Takatifu, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Amen. Ce n'est que les frères et sœurs ni pas qui sont dans le corps de Christ, benye kupatikana umwili ya Kristo, qui iront dans l'enlèvement. C'est le temps de grâce. Ni wakati ya neema. Alléluia. Amen. Il y a encore le temps. Ungariki wakati. Pour que chacun mette sa vie. Dieu à kila mmoja wetu atengeneze maisha yake. Pour que Dieu agrée ta foi. Du Mungu apate kubali maombi imani yako. Akupatie ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Frère Antoine, une chanson après on va prier. Duku tumewimbo moja kisha tutaomba. Chacun vous prie le Seigneur. Kila mmoja wetu aombe Bwana.